Chapitre 2e, la comédie de l'amour. Située au pied de la Sierra Verde, la petite ville de San Antonio est une des plus agréables résidences de la région tempérée du Mexique. Ses montagnes couvertes de forêts magnifiques sont traversées par de nombreux rios qui y entretiennent une bienfaisante fraîcheur et fertilisent les plaines environnantes. À l'entrée de cette ville, qu'on pourrait appeler la Cité des Fleurs, s'élevait une construction aussi légère que gracieuse, une sorte de chalet à un seul étage, avec une véranda où s'épanouissaient dans des caisses élégantes les fleurs les plus rares de la flore mexicaine. Une grille en fer défendait du côté de la rue cette habitation bien connue de la jeunesse dorée de l'endroit. La maîtresse de cet éden en miniature était une jeune fille nommée Carmela. Ses admirateurs, ils étaient nombreux, l'appelaient familièrement la belle créole. C'était une perle enfouie au fond d'un désert. Impossible de rêver une créature plus séduisante et plus adorable. Son visage avait la chaude pâleur du bronze florentin. Son corps, qui aurait pu servir de modèle au ciseau d'un maître, avait ses ondulations serpentines que le marbre est parvenu à immobiliser. Son sourire charmant laissait entrevoir de rangées de perles sous ses lèvres roses. Sa chevelure, plus noire qu'une nuit sans étoiles et hardiment relevée sur la nuque, formait comme une couronne d'ébène autour de l'ovale parfait de son visage. Mais toutes ses grâces pâlissaient devant les séductions de son regard. De ses yeux d'un bleu sombre, parfois s'irradiaient d'une vive flamme, jaillissaient les effluves magnétiques qui troublaient les cœurs les mieux cuirassés. En un mot, on ne pouvait la voir sans se prendre à l'adorer. D'où venait cette jeune fille? Quelle était sa famille? Nul ne le savait. Un an avant l'époque, on ne la trouve installée dans cet élégant chalet. Elle avait fait tout à coup son apparition à San Antonio, arrivant de San Francisco, où tout enfant, elle avait été recueillie et élevée par une vieille dame américaine. Puis, à 17 ans, elle s'était enfuie de la maison de sa mère adoptive pour courir les aventures. Tous les jeunes gens de San Antonio étaient à ses pieds, et parmi les plus empressés, on remarquait un jeune Français qui se faisait appeler le capitaine Maresco. Ce Maresco était venu du pays de l'or, les poches pleines de dollars, mais comme tout réservoir qu'on ne renouvelle pas finit par se tarir, le sien se trouvait presque à sec au moment où nous l'introduisons sur la scène, ce qui ne l'empêchait pas de faire encore assez belle figure dans les tripots de San Antonio, d'y jouer tout aussi cher qu'un autre le Monte, et d'avoir une garde-robe si bien garnie et si bien entretenue qu'il n'eût point fait tache sur l'asphalte compris entre la rue Aubert et le passage Jouffroy. Capitaine ou non, Maresco était l'un des plus fervents adorateurs de la belle créole, et tout faisait supposer que ses hommages étaient favorablement accueillis. Ces suppositions semblaient d'autant mieux fondées que ce jeune Français transplanté en Amérique possédait une de ces mâles et fières beautés qui s'imposent d'elles-mêmes au cœur féminin. Il était grand et élancé, avec des muscles d'acier, et tout dans ses allures sentait son gentilhomme malgré l'obscurité de sa naissance. Carmela avait un autre adorateur non moins assidu. Cet adorateur se nommait Don José, et il était le fils naturel du duc de Clodion, qui s'était fixé au Mexique en 1848, peu de temps après la chute de la monarchie de Juillet. Le duc avait acheté de vastes terrains dans la plaine de San Antonio, afin de refaire par l'agriculture sa fortune, largement ébréchée par suite des événements politiques qui s'étaient accomplis en France. En moins de 25 ans, il était devenu 2 fois millionnaire. Malheureusement pour José, le duc, autrefois marié à une Anglaise, morte 1 an après son arrivée au Mexique, avait un fils issu de ce mariage, Jean de Clodion, dont il a été question dans notre précédent chapitre, et ce fils, le continuateur du grand nom des Clodion, détruisait le brillant avenir que tout enfant, et dans son ignorance des choses de la vie, le bâtard s'était plus à rêver. La déception de José avait été terrible lorsque, plus tard, il eut connaissance de sa véritable situation. Hâtons-nous d'ajouter qu'il eût été peu digne de la haute fortune qu'il avait entrevue pendant quelques instants. Arrogant, dissipateur et joueur, il avait hérité de sa mère, une indienne de basse extraction, de tous les mauvais instincts des races déchues. Jaloux de son frère Jean, qui lui était supérieur par la naissance, par l'intelligence et par les qualités du cœur, il savait dissimuler la haine qui lui portait sous les dehors d'une affection hypocrite. D'un autre côté, il ne pardonnait point au duc de Clodion la préférence marquée qu'il avait pour son fils légitime. Bien des discussions violentes s'étaient élevées entre eux à ce sujet et qui, chaque jour, menaçaient de se renouveler. Carmela avait accueilli José avec empressement, et un instant, on aura pu craindre que la sourde rivalité qui existait entre lui et Maresco n'amenât une de ces rencontres qui se dénouent avec du sang, mais la droite créole avait si bien manœuvré que l'éclat attendu ne s'était pas produit. Par une belle matinée du printemps de 1877, le capitaine Maresco sortit de très méchante humeur d'une maison de jeu de San Antonio. La chance lui avait été si contraire que sa bourse se trouvait littéralement à sec. Il se dirigea, tout en mâchonnant une cigarette, vers le chalet de Carmela. Arrivé devant la grille, il sonna. Au bruit de la cloche, une vieille négresse accourut et ouvrit. « Ah, c'est vous, capitaine. Ce n'est pas malheureux. Madame vous attend avec la plus vive impatience. » Maresco frisa complaisamment sa fine moustache et se prit à sourire. « Ferme la porte de la grille à double tour, ma vénérable Axis, répondit-il, et n'oublie pas que lorsque je suis ici, on ne reçoit plus personne. » La servante donna à la serrure les deux tours de clé demandées. La jolie créole, étendue sur un divan dans son boudoir, était plongée dans une si profonde méditation qu'elle n'entendit pas Maresco entrer. « Tu m'attendais, ma belle Carmela, » lui dit-elle en s'approchant d'elle. « Enfin, vous voilà, » répondit-elle en relevant brusquement la tête. « D'où venez-vous ? Je viens, comme d'habitude, de tailler à monter, » reprit-il. « Il me suffirait d'y manquer une seule fois pour qu'on me supposât ruiné. Tôt ou tard, il faudra bien vous résoudre à faire cet aveu, car vos ressources tirent à leur fin. Sois sans inquiétude, mon enfant, je vais songer à nous remettre à flot. Oui, vous irez de nouveau tenter la fortune dans les placeurs, et vous reviendrez, si le sort vous favorise, avec quelques milliers de dollars, qui au bout de 5 ou 6 mois seront fondus, puis après, il faudra recommencer cette vie d'expédient. Que veux-tu que j'y fasse ? Répliqua le capitaine Maresco. Comme tant d'autres, nous sommes entrés tous les deux dans le monde par la porte des déshérités. Seulement, tu as sur moi cet avantage que, belle à rendre une reine jalouse de la beauté, tu pourrais devenir comtesse ou duchesse, si la fantaisie t'en prenait. J'ai songé en effet depuis quelque temps, dit Carmela. Ah, fit Maresco en tressaillant, puis l'ajouta. Ne serait-ce pas ce Don José qui aurait éveillé en toi ses idées ambitieuses ? Peut-être. S'il devait s'appeler un jour le duc de Clodion, je te comprendrais. « Ma chère Carmela, poursuivit l'aventurier, mais d'un bâtard comme lui, que peux-tu attendre ? » « Écoute-moi, mio caro, » repartit la jeune créole, en enveloppant Maresco du rayonnement magnétique de ses beaux yeux. « Je veux que nous possédions la véritable royauté de ce monde, celle que donne la richesse. Alors, je pourrai réaliser mon rêve si longtemps caressé, quitter ce pays et nous en aller loin, bien loin, vivre l'un à côté de l'autre sans que rien ne puisse nous désunir. « C'est bien pensé, » repartit Maresco, « mais entre vouloir et pouvoir, il y a tout un abîme. « J'ai mon projet, » répondit Carmela, « un plan magnifique qui convertira mon rêve en réalité. » Le capitaine dressa l'oreille à ces derniers mots. « Tu as souvent entendu parler, n'est-ce pas, de l'immense fortune du duc de Clodion ?» continua la belle créole. « Ce riche haciendero français dont le bâtard s'est énamouré de toi. Eh bien, c'est par ce bâtard que je veux hériter des millions du duc. » L'aventurier eut un sourire d'incrédulité. Carmela frappa du pied avec impatience. « Plus tard, je t'expliquerai la chose tout au long. Je me bornerai pour le moment à te dire que si tu veux me seconder, avant peu, les millions du duc de Clodion seront à nous. Que faut-il que je fasse ? Demain, tu quitteras San Antonio. Tu m'exiles pour quelques jours seulement. Avant la fin de la semaine, tu seras de retour ici. » « Et à quoi devrais-je employer mon temps pendant cette absence ?»« Je vais te l'apprendre. » L'entretien qui suivit eut lieu à voix basse, comme si la créole redoutait qu'une oreille indiscrète ne saisît au passage quelques-unes de ses paroles. Maresco, par instant, voulait l'interrompre, redécliner le rôle qui lui était assigné dans l'exécution du projet qu'elle avait conçu. Mais un regard de l'enchanteresse triomphait de toutes ses résistances. « Tu sais ce que je veux ?» lui dit-elle lorsqu'elle eut achevé. « Oui, » répondit-il d'une voix sourde, « et tu l'exécuteras sans faiblesse. »« Sans faiblesse, mais non pas sans remords. Des remords !» reprit-elle en haussant les épaules. « Laissons cela aux esprits vulgaires. Toi et moi, est-ce que nous devons avoir une conscience ? Nous avons un but. Qu'importe si pour l'atteindre, il faut supprimer l'obstacle qui nous gêne. Bah, bah, et n'oublie pas que je n'ai aimé qu'un seul homme au monde, et cet homme c'est toi. » Dès que le capitaine Maresco se fut éloigné, Carmela, qui l'avait reconduit jusqu'à la porte de son boudoir, revint sur ses pas, puis s'arrêtant tout à coup. « Pauvres niais qu'ils sont tous, » murmura-t-elle. « Et comme ils se laissent prendre à nos trompeuses paroles, ce Maresco s'imagine pourtant que je l'adore. » Et elle partit d'un fol éclat de rire. Peu après, le son de la cloche annonça une nouvelle visite. « José, sans doute, » dit-elle. Elle courut à sa glace, répara d'une main savante le négligé de sa toilette, prit dans un vase d'albâtre une fleur d'azélia, la posa coquettement dans ses cheveux, puis elle l'attendit. La porte du boudoir de Carmela s'ouvrit, et Don José entra. Le bâtard du Nugno Clodion était un beau jeune homme de 22 ans, de haute taille et bien proportionné. Sa barbe blonde, admirablement plantée, n'avait jamais été touchée par l'acier du rasoir. Fine et soyeuse, elle encadrait gracieusement son visage éclairé par des yeux d'un bleu azuré. Tout chez lui offrait le type caractéristique des vieilles races normandes. Au premier abord, l'ensemble de sa physionomie était sympathique. Mais en l'observant attentivement, on devinait la fausseté sous son sourire, et par moments, l'expression du regard devenait dure et même cruelle. « J'ai reçu votre billet, Carmela, » dit-il, en portant ses lèvres, la main mignonne de la créole, « et j'ai tout quitté pour me rendre à votre appel. »« Mon ami, » répondit la jeune femme, en fermant à demi ses paupières, comme pour atténuer le rayonnement qui s'échappait de ses yeux, « vous voyez devant vous une repentante qui sollicite votre pardon. »« Mon pardon, » fit José. « La dernière fois que vous êtes venu, je vous ai froidement accueilli, et vous êtes parti si désespéré que depuis 2 jours, je n'ai pensé qu'à cela. » « Oui, votre bouche charmante ne s'est entr'ouverte que pour m'adresser des paroles indifférentes, parfois dures, et « que voulez-vous ? » interrompit Carmela avec un délicieux sourire. « Nous autres femmes, nous sommes ainsi faites, capricieuses comme le temps, nous avons nos jours de soleil et de pluie. Mais lorsqu'on nous aime sincèrement, il faut nous passer nos pauvres petits défauts. » Le jeune homme était demeuré debout pendant cet échange de paroles. La créole feignit de s'en apercevoir seulement alors. « Que faites-vous là, comme un mendiant honteux ? » dit-elle. « Asseyez-vous à mes côtés, et causons cœur à cœur, ainsi qu'il convient, quand on est seul, quand on est deux et qu'on s'aime. » Don José ne se le fit pas lire 2 fois, et tout palpitant d'émotion, il alla se placer sur le divan tout près de Carmela. Carmela fut tour à tour affectueuse et spirituelle. Ses yeux sur les yeux de José, sa main dans ses mains, elle l'enivrait avec de douces paroles, avec le feu de ses regards, avec des sourires dont le charme était invincible. Lorsqu'elle l'eut amené, par une gradation habile, à cet état où un homme, vivant et pris, ne s'appartient plus, elle murmura, presque à voix basse, « Comme c'est bon de s'aimer ainsi !» Puis elle ajouta avec un soupir, « Pourquoi le plus souvent, l'amour a-t-il si peu de lendemain ? Le mien durera autant que ma vie !» répondit José en l'entourant de ses bras. Carmela sourit tristement. Une larme perla au bout de ses paupières. « Vous me dites cela en ce moment, » reprit-elle, « autant de paroles qu'emporte le vent. Que suis-je ? Ai-je un nom, une famille, un avenir ? Je suis une pauvre fille comme il y en a tant, qu'on aime pendant quelques jours et qu'on oublie ensuite. Et que suis-je moi-même ? Dit José avec amertume. « Ainsi que vous, je n'ai ni nom ni famille, je suis le bâtard d'un grand seigneur et c'est tout. Mais vous, vous serez riche un jour. » C'est Jean qui le sera, Jean tout seul. Que me reviendra-t-il à moi quand mon père mourra ? Peut-être une aumône qu'on me jettera par pitié pour m'empêcher de mourir de faim. Qu'importe la misère si vous devez m'aimer toujours ? Répondit Carmela avec un élan de vive tendresse. Ces paroles produisirent l'effet qu'elle en attendait. Vous êtes la première femme que j'aime, et je n'aimerai jamais que vous, vous le savez bien. Repartit Don José d'un ton passionné. Cette promesse, éloquemment formulée, méritait une réponse. Et cependant, la belle créole ne répondit pas. Pelotonnée sur son divan et son charmant visage incliné, elle semblait rêver. « À quoi pensez-vous ? » lui dit le bâtard. « À quoi je pense ? » fit Carmela en le regardant dans les yeux. « Eh bien, je vais vous le dire. Je me demandais ce que vous feriez de moi si, au lieu d'être un pauvre déshérité, vous étiez noble et riche. Voyons, Sois sincère, mon José, ajouta-t-elle en le tutoyant pour la première fois depuis qu'il était là. M'aimerais-tu assez pour placer sur ma tête une couronne ducale, si tu étais le fils légitime du duc de Clodion ? Sur mon honneur, oui, répondit Don José sans hésitation. C'est bien le fond de votre pensée ? Devant Dieu, je le jure. Carmela eut alors un sourire étrange. Douteriez-vous de ma parole ? Lui demanda le jeune homme. Non, non. Mais pendant que vous parliez, je me disais... Que vous disiez-vous ? La vie est semée de tant de hasards. L'imprévu, parfois, y joue un si grand rôle. Qu'entendez-vous par là ? Au lieu de répondre à cette question de Don José, Carmela lui en adressa une. « Aimez-vous votre frère ? » lui dit-elle. Le bâtard fit un brusque mouvement. Une intraduisible expression de haine se peignait sur son visage, et il garda le silence. « Vous ne m'avez pas répondu ? » continua la créole. José se redressa tout d'une pièce, comme poussé par un ressort invisible. « Comment voulez-vous que j'aime mon frère Jean ? » dit-il. « Ne m'a-t-il pas tout pris, le nom, la fortune et l'affection de mon père ?» Un silence de quelques instants succéda à ces paroles. Au bout de ce temps, la belle créole, feignant de ne plus songer à la réponse du bâtard, se frappa le front et dit en riant. « En vérité, la joie que me cause votre présence me fait perdre la mémoire. J'oubliais que j'avais un service à vous demander. Oh, pas pour moi, mais pour un brave garçon auquel je m'intéresse vivement. De quoi s'agit-il, ma belle Carmela ? » répondit Don José. « Parlez. » C'est un ancien Gamuccino qu'autrefois j'ai connu à San Francisco et qui aujourd'hui est dans la plus profonde misère. Il cherche un emploi de domestique et j'ai pensé que vous pourriez peut-être le faire entrer chez votre père. De quel pays est votre protégé ? Il est français. J'espère alors que la chose ira d'elle-même. Mon père est toujours disposé à venir en aide à ses compatriotes. Je lui parlerai aujourd'hui de ce pauvre diable et je vous rendrai réponse demain dans la matinée. Je puis lui dire alors de se trouver ici demain matin ? C'est cela, et si je réussis, comme j'en suis certain, je l'emmènerai demain avec moi à l'hacienda. Vous êtes charmant, et je vous aime, mon José, dit la créole en lui tendant son front. Le bâtard, en sortant du chalet, avait le paradis dans le cœur. Jamais Carmela ne lui avait paru plus belle. Jamais elle ne s'était montrée avec lui aussi charmante et aussi tendre. Carmela, de son côté, était radieuse. « Allons, allons !» se disait-elle. José s'est laissé prendre ainsi que cet imbécile de Maresco à mes semblants d'amour, et sous peu, les millions du duc de Clodion seront en moi ainsi que sa couronne ducale. »